Chapitre 10, deux mots pour deux réalités radicalement différentes. Ecclésia, l'assemblée organique du Christ. Dans les manuscrits originaux du Nouveau Testament, le mot utilisé pour désigner le rassemblement des croyants est ecclésia. Le mot est composé de ek, orde, ekaleo, appelé. Dans le monde grec, il désignait l'assemblée des citoyens convoqués pour délibérer des affaires publiques. C'était une structure fluide, convocatoire, sans bâtiment propre, sans administration permanente, sans hiérarchie figée. Appliquée au mouvement chrétien naissant, l'Ecclésia n'a jamais désigné un bâtiment, un organigramme, un compte bancaire ou une structure pyramidale. C'est un corps organique, le rassemblement vivant et dynamique de personnes qui se reconnaissent mutuellement comme membres du même corps. Ce corps n'a pas de siège social. Il ne se gère pas. Il vit. Kyriakon, la maison du maître. Le mot français « église » ainsi que l'anglais « church », l'allemand « kirche » ne vient pas d'ecclésia. Il vient d'un mot entièrement différent. Kyriakon, qui signifie littéralement « ce qui appartient au Seigneur », dans le sens d'un domaine, d'une maison de maître, d'une propriété. Il désignait initialement le bâtiment. La substitution progressive de l'ecclésia par le kyriakon dans le langage et dans la pratique institutionnelle a transformé une communauté organique en une organisation avec ses murs, ses hiérarchies et ses règles propres. La maison de maître est libre d'ériger ses propres lois. Ce point est décisif et trop souvent ignoré dans ce débat. Chaque kyriakon, chaque institution ecclésiastique locale, est une entité humaine qui a le droit, comme toute organisation humaine, de définir ses propres règles de fonctionnement. Elle peut décider que ses musiciens bénévoles contribueront sans rémunération. Elle peut organiser ses finances comme elle l'entend dans le cadre légal en vigueur. Ces règles sont les siennes. Mais ces règles sont celles de l'institution, pas celles de l'Évangile. Elles ne s'imposent pas à l'Ecclésia dans son sens authentique. Et surtout, elles ne peuvent pas être présentées comme des commandements divins. Ce qui est une politique économique d'une organisation humaine ne devient pas un principe spirituel parce qu'on l'habille du vocabulaire de la consécration. Une institution peut choisir de ne pas rémunérer ses musiciens. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est appeler ce choix économique un principe spirituel et traiter de gomboïste celui qui refuse d'offrir gratuitement son expertise à une organisation qui, par ailleurs, paie toutes ses autres charges, électricité, loyer, matériel son, communication et parfois les salaires de son propre personnel administratif. Leçon 10. L'Église institutionnelle locale, Kyriakon, est une organisation humaine avec ses propres règles économiques. Elle est libre de les fixer, mais ces règles ne sont pas des commandements divins et ne s'imposent pas à la véritable ecclésia. Une institution peut décider de ne pas payer ses musiciens. Elle ne peut pas appeler cette décision économique un principe spirituel, ni stigmatiser ceux qui refusent de travailler gratuitement pour elle.